C'est Rail Suprême sur Skyrock. Allez, allez, let's go! Rail Suprême. Deux heures, DJ Case, d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? برقاني العالي من اللي توحداني غيبوا براني كل ديرانا

bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. DJ Case au platine. Minuit 2h. Dans Rail Suprême. Sur Skyrock.

Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Yeah. c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême.

personne ne représente tout. Una motivo a cañales.

dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis la story. Je suis ni sur canal, ni sur tout ce café. Je suis au canal ou au news café. J'ai rien lâché, j'ai fait que taffer. Ils ont monté le volume, ils sont fait baffer. Je viens d'Afrique, je suis marocain. Je fais des sons lourds et des sons coquins. Je respecte tout le monde, j'aide mon prochain. Mais des concurrents, j'en ai aucun. Et autant de moi, crois pas que ça dort. Ça vient d'Algérie, du Zaïre, des Comores. Si tu me vois plus trop à bon dinor, c'est que je vais les choquer encore et encore. J'ai fait des millions, il me faut des milliards. En euros, des milliers, il me faut des millions. Je m'en fous des blabla, quand vous êtes d'Alia. Y'a comme ça que ma belle-mère me trouvera mignon. Limodono, Soko Ramon, Yawa Sande Yala. Limodono, Soko Ramon, Yawa Sande Yala. J'ai failli dérouter, mais bon, fallait lutter. Mais aujourd'hui, ça a payé. Comme quoi, fallait essayer. Le fichier Banque de France est nettoyé. J'ai réglé les factures et le loyer. J'ai fait des millions, il me faut des milliards. Un euro, des milliers, il me faut des millions. Je m'en fous des blabla, quand on est d'Alia. Y'a comme ça que ma belle-mère me trouvera mignon. اجي وحدو انا كيدي خفينا الزواج دوقا يونو ين ايميك والريغة تابخ ميدنا دناء هنسوقا كل شي وريقي وينو كي همري راسي غدا وبعدو بلادي ميدوي خليهم يقولو واليوم اتهنيت وتحابوني بي وبلادي ميدوي خليهم يقولو انا وراسي بخير انا وراسي بخير انا حبك وردو خلاني مجنون توبة

ايام زماني كتساب مسكينش ما بيفاق ردوا ليامي وما دفاع بلت ضو قدامي هرموني مش بابي واني كنت صغيرة في الروح جوجوني شيباني ما كيلاش جدادي ايام الزينة جاد خدوني احلامي حرموني حلاوة صغر خلوني نفاجي حياتي هادي ما عندي غير صبر ما كيلاش ما كيلاش اللي فات مات ليام جديدة هادي ليام الزينة جات Bonnes vacances, c'est Rail Suprême sur Skyrock.